Le 11 juillet, le théâtre à ciel ouvert du Parc de la Jeunesse à Pyongyang a abrité un rassemblement des jeunes avant-garde pour féliciter la réussite au lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale. Y ont pris part Lee Il-fan, chef de département du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés, les permanents de l'Union de la Jeunesse, les jeunes étudiants. Les orateurs ont fait remarquer que tous les jeunes avant-garde du pays ressentent de la grande fierté de mettre digne de l'unique puissance des jeunes dans le monde, du pays possesseur des bombes A et H et de la fusée balistique intercontinentale. Ils ont invité à se tenir avec fidélité la direction révolutionnaire des dirigeants suprêmes Kim Jong-un, mu par le Sun-gun, afin de faire des prodiges multiples et successifs des jeunes héros dans tous les secteurs de l'édification d'une puissance socialiste qui pourront éblouir le monde entier, tout en manifestant dans l'univers la dignité indépendante et la vigueur de la puissance Pecto-san.